ta fenêtre, il s'est arrêté. Entre ma mob et son carrosse de fée, t'as même pas eu le temps d'hésiter. Je serai là pour dîner. T'as dû te perdre, ça peut arriver. En tout cas, t'es jamais rentré. Monsieur de Paris, monsieur où je me dis, y a un truc dans ton paradis. Monsieur de Paris, monsieur où je me dis, y a un truc dans ton paradis. Monsieur aux cheveux gris, y a un truc dans ton paradis.